rayonnant de majesté. Tout l'univers proclame ta grandeur. Glorifié par les anges prosternés, tu es assis à la droite du sauveur, pour mon sauveur, Si violent qu'il s'apaise en ton nom, calme, dompte l'océan, apaise ma colère, chaque vague en ton nom, Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh. Souffle, que ces eaux reviennent. Que ces eaux reviennent, souffle en moi un chant pour qu'encore je t'adore. Oui, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, oui, Jésus, Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, tu l'as tué. Jésus.